Psaume 120. Cantique de Mahalot. J'ai invoqué l'Éternel en ma grande détresse, et il m'a exaucé. Éternel, délivre mon âme des fausses lèvres, et de la langue qui n'est que tromperie. Que te donnera et te profitera la langue trompeuse? Ce sont des flèches aiguës tirées par un homme puissant, et des charbons de genèvre. Hélas, que je suis misérable de séjourner en Mézèche, et de demeurer au temple de Kédar. Que mon âme étant demeurée avec celui qui a la paix. Je ne cherche que la paix, mais lorsque j'en parle, les voilà à la guerre.